Parmi les croyants de Jérusalem, il y avait un jeune homme nommé tour à tour Jean ou Marc. Il a grandi dans l'ambiance d'une famille chrétienne. C'est chez ses parents que les premiers chrétiens avaient l'habitude de se réunir pour prier. Ils se retrouvaient aussi pour communiquer les dernières nouvelles. Or, les nouvelles ne manquaient pas en ce temps-là, où beaucoup de chrétiens subissaient la persécution, mais aussi où l'évangile se propageait partout. C'était l'époque où le roi Hérode avait jeté l'apôtre Pierre en prison. Tous les chrétiens priaient pour lui, et Dieu les a exaucés. Il a envoyé un ange qui a miraculeusement ouvert les portes de la prison, et lorsque Pierre s'est retrouvé en liberté, nous lisons de lui dans le livre des Actes, chapitre 12, verset 12. « Il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. » Quel remarquable exaucement de prière! Quelle expérience exaltante que Jean-Marc a pu vivre avec les autres! Jean-Marc avait un cousin nommé Barnabas. Nous avons déjà parlé de cette équipe consacrée au Seigneur, le premier compagnon d'œuvre de Paul. À cette époque, Barnabas séjournait à Jérusalem, alors qu'il résidait en principe à Antioche, en Syrie. On peut imaginer l'enthousiasme du jeune Jean-Marc lorsque son cousin lui propose de l'accompagner à Antioche, à quelque 250 km de Jérusalem. Barnabas et Saul sont retournés de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Acte 12, verset 2. Mais l'étape d'Antioche n'a pas duré. Peu après, Paul et Barnabas entreprennent leur premier voyage missionnaire et tout naturellement, ils invitent Jean-Marc à les accompagner. Nous lisons dans Acte 13, versets 4 et 5. Ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre et ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Le travail missionnaire n'est pas un voyage touristique. La prédication de l'Évangile réveille toujours l'opposition et à Chypre, elle provoque la résistance ouverte d'un magicien qui pratique les sciences occultes. Le séjour des apôtres dans l'île de Chypre est d'abord contesté, mais il s'achèvera par de grandes victoires au nom du Seigneur. Cependant, au moment où Paul et Barnabas s'embarquent pour la Pamphylie, province côtière méridionale de l'Asie mineure, Jean-Marc les abandonne. Nous lisons « Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. » Acte 13, verset 13. Le jeune homme a donc quitté les apôtres au moment où l'offensive spirituelle contre le royaume des ténèbres battait son plein. Il les a lâchés comme un soldat qui déserte le champ de bataille. Jean-Marc aurait pu être témoin des événements glorieux qui ont conduit à la fondation d'églises à Lystre, Derbe, Icône et Antioche de Pisidie, que nous raconte la suite du récit biblique dans le livre des Actes. Mais il a préféré retourner à Jérusalem et retrouver une vie plus facile. Peut-être que Jean-Marc n'avait pas pleinement donné sa vie au Seigneur et qu'il n'avait pas permis à Christ de faire valoir ses droits sur lui. En tout cas, l'enthousiasme du début n'a pas survécu aux pressions des forces spirituelles en présence. Aux épreuves et aux privations du service pour Christ, Jean-Marc a préféré l'existence sans problème du foyer maternel où rien ne lui manquait. Ou bien y aurait-il eu dans son cœur l'attrait d'un avantage social, d'un lien sentimental ou d'une affection dont l'emprise s'est trouvée déterminante ? Est-ce un intérêt caché qui l'a empêché de se décider entièrement pour son Seigneur? La défection de Jean-Marc a profondément affecté les apôtres. Elle est même devenue une source de tension entre Paul et Barnabas, à tel point que quelque temps plus tard, au moment où Paul et Barnabas allaient partir d'Antioche pour un second voyage missionnaire, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Barnabas voulait emmener son cousin, mais... Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Le Nouveau Testament reparlera plus loin et à diverses reprises de Jean-Marc. Le Seigneur lui adresse à nouveau son appel et le rétablit dans sa vocation après son éclipse spirituelle. C'est pourquoi, parents qui priez pour vos enfants, conducteurs spirituels qui n'avez pas désarmé dans certaines luttes, ni abdiqué devant des cas extrêmes, reprenez courage. Le cas de Jean-Marc, le cousin de Barnabas, doit être pour vous une source d'inspiration. Voyons donc comment il a été rétabli dans sa vocation chrétienne. Plus de 10 ans se sont écoulés. L'apôtre Paul est arrivé à Rome, il est prisonnier de César et va comparaître devant l'empereur. Mais l'attente de son procès est alors mise à profit pour la rédaction de ces fameuses lettres de la captivité parmi lesquelles l'épître aux Colossiens. Et c'est là qu'il sera question de Jean-Marc, chapitre 4, verset 10. « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. » Ah, Paul n'aurait pas prié les Colossiens de bien accueillir Jean-Marc dans l'Église si sur le plan spirituel il n'avait pas été transformé par rapport à ce qu'il était il y a 10 ans. À l'époque, Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés. mais maintenant, il faut au contraire que les chrétiens l'entourent et l'encouragent. Jean-Marc a peut-être mûri par les expériences de la vie. De toute évidence, il a retrouvé le Seigneur et s'est réengagé sans réserve à son service. Le Nouveau Testament le montre bien dans l'Épître à Philémon rédigée à la même période. L'apôtre Paul fait allusion à Jean-Marc comme à son compagnon d'œuvre. Quant à l'apôtre Pierre, il parle de lui comme de son fils qui est à ses côtés. 1 Pierre 5, verset 13. Et quelques années plus tard, l'apôtre Paul, à la veille de son martyr, envoie alors ce message à Timothée. « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » 2 Timothée 4, verset 11. Jean-Marc le rétrograde est rétabli. Le croyant démissionnaire retrouvant sa mission est accueilli à nouveau dans l'Église. Le disciple, cause de troubles, redevenu utile dans le ministère. Et Jean-Marc a probablement joué un rôle encore plus efficace dans l'œuvre du Seigneur, puisque les commentateurs de l'Écriture sainte l'identifient généralement à l'auteur de l'Évangile selon Marc. Autrement dit, le Saint-Esprit l'a associé aux écrits sacrés en l'inspirant à rédiger les 16 chapitres de cet Évangile. Chers auditeurs, qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire avec un jeune homme, avec un croyant qui commence ou recommence tout à nouveau avec lui? Durant les années d'éclipse de Jean-Marc, sa vie a été inutile, il a perdu son temps, ses années de jeunesse, et il a semé le trouble autour de lui. Mais il est redevenu utile pour la cause de Christ. Puissions-nous trouver en Christ le vrai sens de notre vie ?